Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Bonjour à tous, nouvel épisode spécial pour ces vacances d'été, un épisode spécial parce que je vous fais découvrir des podcasts qui me plaisent tout particulièrement, des podcasts que j'écoute toute l'année pour continuer à me former sur ces sujets, à découvrir des personnes inspirantes que j'avais pas forcément dans mes radars et puis aussi à continuer à progresser en tant qu'intervieweur puisque par exemple aujourd'hui je vous présente un épisode du podcast Nouvel Œil qui est présenté par Victoria Guillaumont et qui interviewe dans cet épisode Raphaël de Casabianca, qui est connu comme étant un animateur phare de tout un tas de programmes voyage et qui a notamment repris le programme Rendez-vous en Terre Inconnue. Je vous dis progresser en tant qu'intervieweur parce que vous allez voir que si Victoria, et ça s'entend dans sa voix, elle est jeune, je trouve qu'elle a une capacité de tout de suite toucher du doigt des sujets profonds, sensibles et d'amener dans la confiance les personnes à qui elle donne la parole à se livrer, peut-être comme elle ne l'aurait pas forcément fait dans une interview classique. Alors forcément, le podcast permet d'avoir le temps de rentrer dans le détail des questions, mais vous allez voir, Victoria, elle a vraiment un talent particulier et au-delà de ça, elle a surtout le talent de ne se mettre aucune limite et voilà, d'oser interviewer toutes les personnes qui l'intéressent, de passer des coups de fil, d'envoyer des mails et c'est ça aussi que je trouve très rafraîchissant quand on suit l'aventure Nouvel Œil de Victoria, c'est de voir à quel point la jeunesse, elle se bouge et elle ose dépasser des barrières qui pourraient apparaître comme infranchissable. Je vous souhaite donc forcément une excellente écoute de cet épisode de Nouvel Œil et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à la fin à vous abonner au podcast de Victoria et je vous dis à très vite. Salut! Hello, moi c'est Victoria. J'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que je me pose aujourd'hui. Dans un monde où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, tu peux participer à ma page Tipeee qui est dans la description pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Œil indépendamment. Tu peux aussi laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et en parler autour de toi. Pour me suivre au quotidien ou pour m'écrire, je t'invite à me rejoindre sur le compte Instagram Nouvel Œil et sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. N'ayez pas peur, il faut de l'action et dites-vous aussi qu'on est en train de jouer une comédie de quelques années sur une planète qui bouge dans l'espace, le système solaire. Et donc prenez-en le meilleur parce que c'est irréel et on a beaucoup de chance. Et c'est des miracles tous les jours, on va dire. Même si c'est un peu dur de temps en temps de le réaliser, mais la vie est un miracle, il suffit de lever les yeux et de se rendre compte qu'il faut prendre le meilleur parce que de toute façon ça va passer vite. Quand on est porté par quelque chose de plus fort qui nous correspond, qui est une passion, qui donne du sens à notre vie, on y va. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Ces mots sont ceux de Raphaël de Casabianca dans cet épisode. Vous imaginez ô combien ils ont résonné en moi. La passion, la volonté, et puis le reste suit. Ça peut paraître simple, c'est pourtant si vrai et si puissant. Ce podcast n'existerait pas sans une dose de passion et beaucoup de volonté. À 16 ans, Raphaël, lui, se passionne pour la photographie. Un BTS d'audiovisuel plus tard, c'est sa volonté qui fera la différence pour intégrer Disney Télévision, avant de devenir producteur pour les chaînes de National Geographic et Voyage. En 2013, il rejoint comme globetrotteur Échappée Belle sur France 3. En 2018, il est sollicité par Stéphane Bern pour faire découvrir le village préféré des Français. Et la suite, vous la connaissez peut-être. Le parcours de Raphaël illustre à quel point les opportunités fleurissent quand on mêle passion et volonté. Je crois qu'au fond, il n'y a que ça qui compte. Se lever le matin avec la ferme intention de faire grandir ses passions. C'est sur ce chemin-là que la vie sait nous surprendre. C'est l'audace qui paye, et cette fois ce n'est pas moi qui le dis, c'est Raphaël. Alors je vous laisse plonger dans son histoire, dans ses mots, pour que vous cultiviez en vous cette petite graine qui ne demande qu'à germer. Bonjour Raphaël de Casabianca. Bonjour Victoria. Un grand merci de partager ce temps avec moi, ça me touche beaucoup. Bah oui, c'est très agréable. Il est 9h et quelques minutes dans une petite pièce sympathique dans le 18e arrondissement. Tout est très calme. Voilà, le décor est planté. Vous êtes photographe, réalisateur, voyageur et vous avez récemment pris le flambeau de Frédéric Lopez à la présentation de Rendez-vous en Terre Inconnue. Comment vous vous décririez en quelques mots ? En tant que voyageur, en tant que rêveur, je pense quelqu'un qui aime aller à la rencontre des autres, qui aime se confronter à l'ailleurs, qui a construit un peu ces 10, 15 dernières années, 20 dernières années autour de la découverte et du voyage. Donc c'est vrai que le voyage, je pense, a pris une part tellement importante dans ma vie qu'elle fait partie sûrement d'une de mes définitions. Après, j'aime la photographie, mais j'en fais plus. Ouais. Ça, c'est une de mes frustrations parce que en voyageant maintenant avec Rendez-vous en Terre Inconnue ou même après, avant avec Échappée Belle, j'ai oublié, ou en tout cas, j'ai pas pris le temps d'avoir mon petit appareil en bandoulière, chose que j'avais faite lors de voyage il y a quelques années. Et j'adore pouvoir faire de la photographie. D'ailleurs, parenthèse, c'est quelque chose de très personnel, de très solitaire. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une équipe de tournage ou en voyage, on a moins cette possibilité-là. Et puis, je décrirais ça comme voyageur. Je trouve que c'est un bon terme, comme passeur aussi, puisque mon métier, d'une certaine manière, ou ce que je fais là avec France Télévisions, ou ce que je fais depuis des années, c'est pouvoir retransmettre les rencontres que je fais. Donc c'est vrai que j'aime bien le terme de passeur. Je suis un passeur, un lien entre le pays, les gens que je rencontre, leur histoire, et puis les spectateurs qui vont partager ça à travers leur écran de télévision. En quoi c'est important la transmission ? Parce que ça définit ce qu'on fait dans ce petit temps de vie qui nous est accordé sur Terre. Qu'est-ce qui va rester, au fond ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va créer ? Qu'est-ce qu'on va entreprendre ? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner, passer et transmettre ? Alors, il y a la transmission, évidemment, par exemple, dans une émission où les gens vont me parler. Je vais recevoir et puis on va le transmettre avec mon équipe. Je suis pas seul. Donc transmettre des valeurs, transmettre des rencontres, transmettre aussi des paysages. Et puis il y a ce qu'on fait dans une vie, entre guillemets, et ce qu'on a envie de transmettre soit aux autres, soit aux gens de sa famille, soit à ses amis. Et donc la transmission, c'est une donne essentielle sur ce qu'on est et ce qui dure quand on n'est plus. Et autour de cette transmission, y a ce qui nous définit, il y a les valeurs qu'on veut porter, il y a ces fils invisibles aussi qui nous entourent et qu'on a à cœur de partager. Donc elle est essentielle, je veux dire, on ferait pas... C'est ce qui donne du sens, on va dire. C'est le sens presque même de la découverte. Et ça fait évoluer une société, de transmettre ? Oui, on n'est qu'une accumulation, au fil du temps, on n'est qu'une une accumulation de transmissions. Si on repartait à chaque fois de zéro, s'il n'y avait pas cette transmission, il n'y aurait pas d'évolution. Donc elle est essentielle. Ouais, je pense que c'est au cœur de chaque humanité. Pour être à la rencontre de peuples différents dans le monde entier, on voit à quel point, par exemple, les peuples autochtones, qui représentent maintenant que 3% de la population mondiale, c'est rien, c'était 10% il y a 15 ans, représentent à eux seuls près de la moitié de la richesse du monde. On se rend pas compte le nombre de milliers de langues, de traditions, de façons de cultiver, il y a énormément de richesses. Et il se passe, c'est grâce à la transmission que tout ça se passe. Mais à partir du moment où ils sont en difficulté, la transmission est plus compliquée et donc la richesse se perd. On voit les langues qu'on est en train de perdre. On voit aussi, ne serait-ce que sur les semences, on perd des semences. On voit sur la manière de cultiver, on perd aussi d'une certaine manière certaines façons de cultiver. Donc la transmission, elle est essentielle. Elle passe à l'écrit, elle passe à l'oral, elle passe aussi par maintenant des nouveaux médias, on va dire. Elle fait évoluer la société et puis surtout elle préserve d'une certaine manière aussi cette part de richesse qu'on a tous. Il y a plein de créations qui se font, et s'il n'y a pas de transmission, on les perd, tout simplement. Et est-ce que les valeurs, justement, que peuvent avoir nos grands-parents, nos parents, se perdent au fil du temps, malgré nous, par les réseaux sociaux, par le flot d'informations ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à garder, malgré c'est le normal. Temps ? C'est normal. Mais oui, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à regarder, il y a plein de choses qui se créent. Donc, c'est ça qui est formidable, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on perd... De toute façon, il y en a qui se battent pour les préserver, il y en a qui vont continuer, il y en a qui vont, pour qui ça va pas être important, ils vont être plus tournés vers l'avenir, je ne sais pas, ou en tout cas ça va pas être important. Et donc ça, c'est un cycle. Rien n'est permanent. Donc, du coup, il y a des nouvelles choses aussi qui arrivent. C'est-à-dire que je suis pas moi à vouloir dire tiens, tout était mieux avant, c'est génial, vraiment on va vers un chaos parce qu'on perd tout. Non, en fait. Il y a des évolutions, il y a des créations, il y a même les réseaux sociaux, on va dire, que nos grands-parents ne connaissaient pas, mais nos grands-parents avant, ils ont découvert la télé, leurs arrière-grands-parents ne connaissaient pas la télé. Voilà, c'est des outils à nous de savoir les manier, à nous d'être intelligents, à nous d'être éduqués pour. C'est vraiment un cycle. Il y a du faut accepter ça, quoi. À 7 ans, quel petit garçon vous étiez ? À 7 ans, moi, j'étais un petit garçon assez sage, un peu dans mon monde. Je pense que je faisais beaucoup de Lego. Et j'écoutais... alors, c'est marrant, j'y repense maintenant, mais je me dis... J'écoutais la radio, ça s'appelait Radio Montmartre. Ça n'existe plus, c'était une radio pour les vieux. Il y avait que Dubal Musette toute la journée. et il y avait des annonces en disant « Oui, samedi, à Montmartre, venez pour ce nouveau Dubal Musette. » Et je passais mes journées à, un peu dans mon monde, à construire ma ville, à jouer... à écouter cette radio de Belle Musette. Et puis il y avait quand même ce rapport à l'image qui commençait à naître, on va dire. Très tôt, j'ai eu envie de réaliser, de faire de la photographie. Mais le goût du voyage est arrivé après. J'étais un garçon qui n'était pas très bon en cours. J'étais pas très attentif. J'étais vraiment un peu dans mon monde. J'avais besoin de rêver, j'avais besoin de m'évader, on va dire. Je sentais que ma vie était ailleurs. Donc j'avais ces petits moments d'évasion. Et quand vous imaginiez la vie des grands, vous pensiez à quoi ? Je crois que à l'époque je m'imaginais pas la vie des grands. C'était quelque chose qui était c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'étais à mon rythme dans mon instant présent. J'étais pas dans une projection en train de me dire je veux faire ci, je veux faire ça. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'était les grands, c'était les parents, c'était les adultes. Ils avaient autorité d'une certaine manière un peu sur nous. Mais ça me préoccupait pas tant que ça, on va dire. Si je repense. Ah ça, j'étais plus avec mes amis et mon monde, quoi. Vous avez obtenu un BTS à l'ECAR, une école d'audiovisuel et de création. Et vous réalisez dès l'âge de 16 ans un court-métrage, Les Aventures de Burke, un film d'animation pâte à modeler qui a remporté le deuxième prix du concours audiovisuel à Paris. D'où il vous vient ce goût de la transmission par l'image, justement ? Alors déjà, c'est intéressant parce que ce court-métrage que j'ai fait, c'est un court-métrage en pâte à modeler, en pâte à modeler UHU, jaune. Et c'est en voyant Wallace et Gromit à l'époque, qui était sorti au cinéma, et je trouvais ça extraordinaire de dire, mais image par image, on peut créer un film, un monde, un univers. Et moi, en fait, dans ma chambre tout seul, cette volonté un peu déjà d'indépendance, je me suis dit, je peux faire la même chose à mon niveau. Et j'ai commencé avec un petit caméscope qu'avaient mes parents. J'ai lu tout le mode d'emploi un dimanche matin, je me souviens, dans mon lit, tout pour bien comprendre. Et j'ai commencé à créer mes histoires et toutes les nuits, mais des heures entières, parce que faut vite appuyer sur le bouton pour enregistrer une demi-seconde et puis changer un tout petit peu le personnage et réappuyer. Et je passais mes nuits à réaliser des courts-métrages. Donc ça a été un moteur pour me dire, tiens, je peux faire la même chose, à moi de créer mon propre univers. Il y a une technique. Il y a quelque chose, donc on m'a d'une certaine manière, le réalisateur de Wallace et Gromit, je sais plus comment il s'appelle, a transmis, parce que j'ai eu de l'émotion en voyant son film, cette volonté de créer à mon tour. Et je me suis dit, tiens, ça c'est ce que je veux faire. Et donc après, j'ai commencé à travailler sur des petits scénarios, à le présenter, et puis de fil en aiguille, je l'ai présenté à un concours où ça a gagné le prix de la ville de Paris. J'avais 16 ans, et c'était aussi l'envie de montrer un peu ce que je savais faire. Un regard extérieur, autant mes parents, ma famille voyaient bien que j'étais dans mon monde, que j'étais passionné, mais le fait de se confronter au regard de l'autre à travers ce concours, même si je n'avais pas du tout l'analyse à cette époque-là, m'a fait prendre conscience aussi que j'avais peut-être quelque chose en moi de chouette à développer, de sympa. Et donc ça m'a donné confiance pour la réalisation, en tout cas pour créer des histoires. Comment on trouve la confiance en soi quand on a 20 ans ? La confiance en soi, elle s'éduque, ou en tout cas elle s'apprend, ou elle s'apprivoise très tôt. C'est pas à 20 ans. C'est, on se lève pas à 20 ans en disant j'ai confiance en moi. La confiance en soi, je pense qu'elle, c'est un tas de paramètres. Et d'ailleurs, quand on est parent, je pense qu'une des choses les plus importantes à transmettre à ses enfants, c'est la confiance en soi. Et c'est pas évident parce que on est toujours sujet, ou on est toujours un peu, on va dire, sensible au regard de l'autre. C'est très difficile de se construire sans le regard de l'autre. Alors le regard de l'autre, comme dans ce court-métrage, bah ça a été très fondateur, parce que je me suis dit, tiens, je gagne quelque chose, c'est super. Mais hormis ça, cette confiance en soi, elle doit s'éduquer, elle doit s'apprivoiser par une autonomie, par le fait de valoriser. En fait, c'est fou, comme quand on a confiance en soi, en plus, il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Alors que je vois plein d'amis autour de moi qui sont hyper forts, et ont fait plein de choses, ont fait des super études, etc. Mais d'un coup, ils n'ont pas été forcément, à un moment donné, valorisés, soit par le regard de leurs parents, qui ne leur posaient pas de questions parce qu'ils n'avaient pas, forcément le droit de donner la voix à leurs opinions, ou même à l'école, où on est dans un truc très vertical et on est un peu cloisonné. D'ailleurs, je pense que ma confiance en moi, elle est née, d'ailleurs, je pense, parce que moi, j'étais dans un collège qui s'appelait Henri IV à Paris, qui était assez dur. En tout cas, le niveau était très fort, ça me correspondait pas, je pense. Et j'étais vraiment nul. En tout cas, c'est ce que me disaient les profs à longueur de journée. En plus, ma sœur, qui était super forte 2 ans avant moi, était toujours le petit frère qui avait pas les mêmes résultats. Mais je pense que j'y ai eu un moteur chez moi qui m'a dit, tiens, je vais vous montrer que je suis pas nul, quoi. Vous, dans vos grilles de lecture, qui sont des grilles très académiques, dans lesquelles je ne rentre pas, moi, j'ai mon monde à moi, justement, le cinéma, la photographie, l'audiovisuel, et je vais vous prouver par A plus B que je sais quoi faire et que je suis bon dans ce que je fais, même si je me tape des notes horribles dans toutes les autres matières. Parce que les êtres, on peut être cloisonné dans cette voie académique, alors qu'on est beaucoup, on est multiple. Et que justement, pendant des années, en tout cas, maintenant ça change. Je trouve qu'au niveau de l'éducation, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais je trouve que à mon époque, soit t'étais bon, tu faisais une prépa et tu rentrais dans les clous, soit bon, bah t'étais un saltimbanque, quoi. Je veux dire, t'avais pas ta place. Donc j'avais à cœur de prouver que j'avais ma place, mais dans un monde qui n'était pas le leur, mais qui était le mien. Et ce monde, c'est moi qui me le suis bâti. Au fil d'opportunités, de rencontres, comment il s'est bâti ce monde-là, petit à petit ? C'est sûr que c'est un monde qui se bâtit pas en attendant le matin qu'on vienne vous chercher au réveil. C'est un monde où faut se battre, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, quand on est porté par quelque chose de plus fort qui nous correspond, qui est une passion, qui donne du sens à notre vie, on y va, quoi. Moi, j'ai toujours été dans l'action. J'adore cette phrase de dire « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer ». C'est ce que Marx disait. Et moi, je suis dans l'action. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Oui. Je veux dire, avec une caméra, j'avais pas de salle de montage, donc je faisais tout en ce qu'on tapait en coupé-monté. C'est-à-dire que je coupais la caméra et puis je faisais le montage directement. Je rajoutais les sons dans des projections. Donc, je me disais, à partir du moment où j'ai une petite caméra... Ok, je vais apprendre, mais je crée. Donc j'ai réalisé une dizaine de courts-métrages. J'ai commencé aussi à me dire, bah tiens, on m'a proposé de réaliser un documentaire à l'étranger. Je savais pas trop filmer, mais j'y suis allé. Je suis parti en République centrafricaine. Donc en fait, c'est par l'action que je me suis bâti. Et d'ailleurs, quand on me pose la question souvent, me disant, tiens, j'aimerais bien ça, j'ai une idée, je dis, mais allez-y. C'est en se confrontant à la réalité, c'est en créant de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous allez vous planter, mais c'est hyper bon, vous allez vous améliorer. Et quand on va rencontrer quelqu'un et qu'on a des idées, faut montrer ce qu'on sait faire, et souvent c'est un peu le problème. Mais si à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a créé plein de courts-métrages, même s'ils sont mauvais, qu'importe, il y a une volonté. Et donc c'est ce que j'aime dire aussi, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc après, de fil en aiguille, bah, il y a eu, quand j'ai voyagé autour du monde, j'ai fait un film tour du monde, j'ai réalisé des documentaires, et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Et donc, un matin, j'ai envoyé un mail au producteur d'Échappée Belle, une émission sur France 5, en disant, bah, écoutez, à l'époque, il y avait 2 animatrices, 1 animateur, je ne comprends pas, il y a que 2 animatrices, 1 animateur, la parité n'est pas respectée, il manque un homme, je suis votre homme, et j'ai envoyé des vidéos que j'avais faites des 10 dernières années. Et puis, je l'ai rencontré, puis j'ai passé un casting, puis j'ai été pris Échappée Belle, et si j'avais pas fait Échappée Belle, je ne représenterais pas Rendez-vous en Terre Inconnue à l'heure actuelle. Donc l'audace, ça compte aussi? Mais évidemment, il faut jamais avoir peur. C'est fou comme on peut avoir plein de freins, incroyables qui sont conscients, inconscients. Des peurs. Mais des peurs, des craintes, mais en les dépassant, en n'ayant pas peur du regard de l'autre, en pensant que si on est fait pour ça, il faut y aller. Il faut avoir l'audace. C'est l'audace qui paye. On est tellement... je vois bien, je suis très sollicité maintenant. Il n'y a que ceux qui ont de l'audace ou qui ont de la persévérance, qui peuvent atteindre ou qui suscitent de l'intérêt aussi. Parce que maintenant, il y a... Donc c'est très important de ne pas avoir peur d'y aller. Il n'y a que l'action. Faire, faire, faire et ne pas avoir peur. Et c'est facile à dire. Oui. mais il faut se forcer parce que même si ça ne marche pas, c'est toujours quelque chose qui aura une résonance pour plus tard. C'est fou comme dans... Moi, je rencontre encore des gens que j'ai rencontrés il y a 15 ans. On a tous grandi, évolué. C'est fou comme... Tout ça, justement, ces fils invisibles, ça résonne. On est tous un peu connectés. En fait, on se rend compte que, bah oui, il y a 15 ans, j'étais ça, mais on se rend compte 10 ans plus tard, et bah, on a grandi, toi aussi. Et puis, tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une personne qui faisait un podcast et c'est intéressant. Bah, ça s'est pas fait tout de suite, mais ça se fera plus tard. Tout ça, c'est des messages envoyés et qui ne se perdent pas au fond, même si on n'a pas le retour tout de suite. Et donc aujourd'hui, avec ce recul-là, quel message vous voudriez dire au Raphaël qui avait 18 ans ? Le Raphaël qui avait 18 ans... Mais non, mais le Raphaël qui avait 18 ans, c'est le Raphaël qui a voulu partir, qui est parti autour du monde. Je suis parti un an. En fait, j'avais au collège, en quatrième, je me suis présenté aux élections des délégués. J'étais persuadé de gagner malgré mes notes pourries et je savais que j'étais pas forcément le meilleur délégué, mais j'avais envie, quoi, fallait se présenter. Et j'étais battu par Antoine Delaplace, qui est devenu mon meilleur ami, avec qui j'ai fait un tour d'Europe en train après le bac. On a fait l'Interrail, c'était génial, on dormait dans les trains pour pas payer les nuits d'hôtel dans les villes, donc on se réveillait souvent dans des hangars, avec qui j'ai entrepris ce tour du monde il y a plus de 20 ans. En 2003. Alors, il y a presque 20 ans, à 19 ans. Pendant un an, donc c'est pas évident de partir pendant un an avec un ami, il faut bien s'entendre. Et maintenant, c'est avec lui que j'ai des projets aussi, on s'est pas quitté, on adore travailler ensemble et c'est une très belle histoire d'amitié. Et donc à 18 ans, il y a quelqu'un qui m'avait dit cette phrase quand j'étais au lycée, on passait le bac, mais lui, il était tout de suite parti vivre en Thaïlande, je sais pas pourquoi, il avait une attirance pour la Thaïlande, pour l'Asie. Et puis il était revenu et je lui ai dit, bah alors comment ça se passe ? Il m'a dit, tu sais, je me suis rendu compte que la vie pouvait être différente ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Parce qu'on est on est sur nos autoroutes, on est sur nos chemins, on est avec nos parents, on est dans une certaine culture, on est sur nos rails, on va dire. Mais à 18 ans, se dire que la vie peut être différente ailleurs, là d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou en fait. Si la vie peut être différente ailleurs en Thaïlande, elle peut être différente ailleurs partout. Et je me dis, mais dans les moments difficiles, ou en tout cas dans les doutes, mais on peut toujours se réinventer, on peut toujours être en confrontation, ou en tout cas aller à la rencontre de l'autre, on peut toujours s'inventer ailleurs, quoi. Et en fait, ce que je connais là, c'est pas forcément ce qui me convient moi, mais peut-être que je le trouverai ailleurs. En tout cas, c'est une porte, quoi. Oui. C'est une fenêtre ouverte, c'est quelque chose qui existe. Et à 18 ans, je me suis dit, ça, c'est génial. Alors là, j'ai envie d'explorer le monde aussi, quoi. Parce que si ça peut être différent ailleurs, qu'est-ce qui est différent dans cet ailleurs ? Donc, ce coup du voyage vient d'ici. Ce coup du voyage vient de ça, vient aussi d'une projection d'un oncle avec des diapos. Il était parti dans les années 70 en Amérique du Sud, il avait des longues barbes, il avait dormi à l'époque dans le Machu Picchu, ce qui est impensable maintenant parce que c'est un lieu touristique très fort, faut payer son entrée, enfin, on peut pas dormir, on peut pas camper là-bas. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est qui ces aventuriers qui partent découvrir le monde? Et puis, j'ai été aussi bercé par les récits de mes grands-parents, de ma grand-mère qui a vécu à l'époque en Indochine et qui a rencontré mon grand-père en Indochine sur la baie d'Along. Et ils avaient aussi une image alors de l'époque de l'Asie du Sud-Est très forte. Et à travers leurs histoires, j'ai eu envie aussi de découvrir l'Asie du Sud-Est. Donc le premier voyage que j'ai fait, on va dire lointain en dehors d'Europe, c'était avec Antoine. Ma grand-mère m'avait dit allez, va dans ce pays qui est pas forcément le plus connu, mais qui est vraiment intéressant, qui s'appelle le Laos entre le Vietnam et la Thaïlande. Et donc ça a été notre premier voyage là cette fois-ci en 2001, donc il y a 20 ans. Oui, le voyage est né à la fois de cet oncle, à la fois de ses amis à 18 ans qui avaient, lui, eu la possibilité de voyager, à la fois par ma grand-mère, et puis après il s'est nourri par des lectures, moi j'ai ou des photographes, Olivier Folmy qui a fait des reportages extraordinaires sur l'Himalaya, sur le Zanskar, le Ladakh, il y a Cartier-Bresson, il y a Ouba, il y a plein de photographes, Robert Dampigné sur le Bhoutan, enfin moi j'étais très sur l'Asie à l'époque, et il y a plein de photographes qui m'ont ou même Alexandra Davinel, une histoire d'une Parisienne à la SAR. Donc j'ai été nourri à la fois par la littérature, par les photographies et puis par des films. Il y a aussi Devenir femme aux Zanskar, qui est un film incroyable, un documentaire qui m'a donné envie d'aller là-bas. Ou même à l'époque, c'était Stéphane Perron qui faisait qui s'appelait Dans la nature avec Stéphane Perron sur Canal+, qui était incroyable. Il y a eu aussi Nicolas Hulot avec Ushuaïa. Il y a eu toutes ces Faut pas rêver. Enfin, voilà. Mmh. Tout ça, après, ça a alimenté la curiosité. Qu'est-ce que ça change à une vie de voyager ? En fait, ce que j'apprécie et ce que j'aime dans le voyage, c'est la fragilité. Parce qu'en fait, quand on voyage, on n'est plus dans sa zone de confort. On n'est plus avec ses habitudes, ses amis, son entourage, sa famille, dans tout ce qui est très rassurant, on va dire, dans tout ce qu'on connaît. Et ce qui est dingue, c'est que le cerveau a l'habitude de voir 70% de ce qu'on voit, c'est des choses qu'on a déjà vécues. C'est une routine, on va dire. Mais quand on sort de ces 70%, on est confronté à l'ailleurs. Et quand on est confronté à l'ailleurs, eh ben on est beaucoup plus sensible parce que c'est nouveau. Et on est plus fragile aussi parce qu'on n'est plus dans ces habitudes-là. Mmh. Et donc cette fragilité, elle est forte parce qu'elle permet de vivre pleinement, je trouve, la rencontre, la beauté du monde, ces instants. Et donc ce voyage, je trouve, provoque une fragilité et une découverte aussi, évidemment, des autres et de soi. Puisque quand on est confronté à l'inconnu, on ne sait jamais comment on réagit. Enfin, moi, je ne sais pas. Mmh. Le vrai inconnu, on ne sait pas. Donc, il y a une part de... Sortir de sa zone de confort. Oui, et puis il y a une part de découverte. Mais pour soi aussi, comment je vais réagir ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce qui me touche ? Qu'est-ce qui fait que cette personne me parle ou pas ? Qu'est-ce qui fait que son histoire est intéressante ? Qu'est-ce qui fait que l'histoire de ce pays ? Qu'est-ce qui fait que se lever de lune et se coucher de soleil en même temps dans le désert de l'Atacama me touche autant ? Pourquoi ? Et donc, le voyage interroge, le voyage sensibilise, on va dire, mais en tout cas rend plus sensible. Le voyage se confronte à l'ailleurs, oui, avec cette fragilité. Je trouve qu'elle fait vivre cet instant présent. Et c'est là où on retrouve, je trouve... Cette humanité en nous, ce côté très fort, très personnel qui nous fait vibrer, quoi. Et après, elle provoque aussi de merveilleuses rencontres, de merveilleuses choses. Et il y a une place aussi dans le voyage, de cet inconnu dans le voyage, on va dire, où, enfin, moi, je sais, quand je voyage, tout n'est pas prévu. Mmh. Et donc, c'est comme une ligne de vie qu'on construit aussi. Où la vie peut être différente ailleurs. Alors, c'est quoi cet ailleurs? C'est quoi cette vie différente? Et il y a plein de pistes, quoi. Et l'humanité, c'est quoi pour vous ? Bah, c'est l'humanité, c'est cette petite flamme universelle qu'on a tous en nous, qui fait que suivant quelle que soit la religion, la culture, l'endroit où l'on vit, et c'est ça qui est frappant par expérience quand je vais que ça soit en Éthiopie avec les Afars ou avec les Van Gujar en Inde, il y a toujours cette part d'humanité très universelle qui se traduit par l'amour, qui se traduit par la transmission, qui se traduit par l'intérêt porté à l'autre, par la protection, par la famille. C'est ce qui fait que on arrive à tenir dans n'importe quel endroit. C'est des liens, c'est notre rapport à l'autre, quel qu'il soit, que ça soit au fond d'un désert ou dans le 18e arrondissement, quand je sors du métro et que je me fais bousculer, comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on va renvoyer ? Quel regard on va porter ? Et d'une certaine manière, notre humanité, c'est le regard qu'on porte sur l'autre et le monde. Mmh. Et celle-là, elle se nourrit de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on peut partager. Et qu'est-ce qui vous touche le plus chez quelqu'un quand vous faites une rencontre ? Je pense que c'est les silences. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment, c'est pas forcément au niveau... de la langue ou le fait de se comprendre. Là aussi, en voyageant dans plein d'endroits différents, c'est fou comme la relation se tisse au final par tout ce qui n'est pas exprimé à l'oral ou pas par justement ce regard, une attention, un sourire un peu rieur ou même un regard un tout petit peu approbateur. Il y a plein de petits détails auxquels je suis très sensible et qui font que la relation évolue. Il y a ce qu'on se raconte et puis ce qu'on se donne sans se raconter. Vraiment, à chaque fois, je l'ai ressenti dans n'importe quel pays. Je repense là, par exemple, quand j'étais en Éthiopie avec la famille d'Oumed, avec Vianney. Oumed, avec qui j'ai eu quelque chose de... Ça, là aussi, c'est tout ce qui est invisible, mais qui est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, on a tout ce qu'on partage et qui se voit. Et puis, il y a cette relation invisible. C'est quand on dit « je me sens bien » à un moment donné, tout ce qu'on ressent d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément décrire de façon matérielle, mais qui existe. Et avec Oumed, en Éthiopie, on se regardait, on s'écoutait, et puis il a commencé un peu à me titiller, mais sans rien me dire, en fait, juste par un regard. Ça s'est vraiment passé comme ça, de façon très, très chouette. Et souvent, ça se passe comme ça. Donc, je suis attentif à ces silences qui permettent de remplir une sorte de connexion, de choses très instinctives. Je suis très sensible, de toute façon, à l'instinct, entre guillemets, un peu comme les animaux, on sent ou pas les choses, quoi. Et ces silences, ces moments de vide, d'ennui, est-ce qu'ils sont importants dans une vie ? Ah bah ils sont essentiels. Faut savoir s'ennuyer. C'est génial de s'ennuyer. Il y a rien de mieux. L'ennui, c'est l'espace qu'on vous donne pour créer. L'ennui, c'est une manière de faire une pause. J'adore m'ennuyer. Mais vraiment, et d'ailleurs, quand on s'ennuie, on s'ennuie pas. Enfin, je veux dire, j'adore m'ennuyer parce que je m'ennuie pas, parce qu'il y a toujours quelque chose, je pense, il y a un rythme, il y a une manière de regarder, c'est fou. Mais il faut même faire l'exercice, c'est-à-dire qu'on est souvent sur nos portables, mais si on le déconnecte à un moment donné, on va se rendre compte que, on va regarder quelqu'un chez le médecin qu'on regardait pas, un détail, on va regarder cet immeuble haussmannien incroyable. C'est vrai que vivre à Paris à chaque fois, j'ai beau voyager, je trouve ça fou dans plein de détails. Et là, c'est le regard qu'on porte là aussi sur le monde. Et je trouve qu'il faut cultiver l'ennui parce qu'on se retrouve sinon à des moments où ne pas savoir gérer le vide, c'est terrible. Ça veut dire qu'on fuit. C'est une fuite totale, quoi. En plus, il suffit d'avoir un bon bouquin pour en plus avoir la concentration pour se mettre sur quelque chose qui va vous envoyer dans des trucs incroyables. Et souvent, c'est les phases d'ennui qui sont les plus créatrices, quoi. Vraiment. Donc, je dis même les enfants de ma sœur, etc. Ils s'ennuient. Je dis, mais t'as une chance incroyable. Profites-en. Génial. Là, tu t'ennuies. C'est formidable. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas créer avec ces deux bâtons? Est-ce que tu vas prendre un livre? Qu'est-ce que tu vas penser? Est-ce que tu vas inventer un jeu? Non, et c'est hyper important. Il faut s'ennuyer. Ce podcast s'adresse principalement aux nouvelles générations. Quel regard vous portez sur ma génération aujourd'hui? Alors, c'est quoi votre génération? Génération Z. Comment vous décrivez? Parce que j'ai du mal à rentrer dans la... Je vois bien Millennials, Génération Z. J'ai du mal à mettre ça dans une case, on va dire. J'ai du mal à me dire, alors les millennials, c'est ça, les générations Z, c'est ça. Moi, ce que je trouve formidable, en tout cas dans ce que je vois, c'est qu'il y a un rapport au travail différent. Ça se sent. Et dans le bon sens du terme. Ça veut dire que on n'est pas prêt à tout accepter, en tout cas. Il y a une volonté aussi de dire, quelle est la balance, quel est l'équilibre entre mon désir, ce que je suis, pourquoi je suis fait, et ce que je propose ou ce que je donne à la société ou à mon... Et ça, je trouve ça très sain, au fond. Il y a peut-être une écoute plus forte de soi, parce que c'est vrai qu'il y a... Et puis les réseaux sociaux ont fait qu'on est toujours au centre d'eux. Alors ça, c'est là, on va dire, le côté un peu où faut faire attention. C'est-à-dire que toujours se représenter sous son meilleur jour, être toujours en apparence, d'être dans la société de l'apparence, c'est mauvais, parce qu'on est toujours en train de se vendre, on devient un produit. Donc on est dans une... Je pense qu'on est de plus en plus amené à être un produit. Ce qui... Donc si on est un produit, on est sensible au regard des autres, parce qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous disent « j'aime pas ». Donc ça, faut faire extrêmement attention. Mais, en tout cas, de reprendre la main... d'entreprendre. Je vois beaucoup plus d'entrepreneurs. Je vois beaucoup plus de personnes qui ont envie d'aller au bout de leurs idées, qui ne veulent pas forcément rentrer dans la case de dire moi j'ai mon travail pendant tant d'années, je gagne tant, et puis en fait et d'ailleurs ma génération se rend compte à 40 ans, il y en a beaucoup de mes amis qui sont en train de bifurquer, qui disent que cette révolution, on va dire, elle les touche aussi, parce qu'ils se rendent compte que c'est possible, et elle les interroge. Et du coup, vous nous interrogez aussi énormément sur quel est le sens qu'on veut donner à notre vie. Donc, Moi, je suis pas. Je suis toujours très admiratif des gens qui portent des idéaux, qui veulent changer la donne, qui ont conscience. Nous, on n'avait pas conscience à notre époque, par exemple, sur l'impact écologique, sur ce qu'on faisait. On consommait, mais sans avoir aucune notion de l'impact qu'on pouvait avoir. Maintenant, c'est une donne hyper importante. Elle est essentielle. Et donc, elle est prise en compte par la nouvelle génération dans les choix de vie qu'ils veulent faire. Et je trouve qu'on a vachement à apprendre. Je trouve ça génial. Donc, il y a une force. Il y a de l'action. J'en reviens à l'action. Et ça, c'est hyper important. Il y en a qui veulent agir. Il y en a qui veulent s'engager. Il y en a qui ont envie de pousser leurs convictions. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, ils ébranlent la société parce que vous êtes les piliers d'une certaine manière de la société dans laquelle on est. C'est vous qui allez apporter votre flamme, quoi, votre envie. Donc ça, je trouve ça génial. Le côté un peu moins bien, entre guillemets, c'est pas la génération en tant que telle, c'est les outils que vous avez qu'il va falloir s'approprier pour pas tomber dans quelque chose de trop narcissique ou de trop sur soi. Mais ça, c'est comme tout, c'est de l'éducation, c'est de, aussi, et puis on est au début de quelque chose, ça veut dire que c'est comme un jouet, au début on a envie de faire plein de trucs, puis en fait on se rend compte qu'on met pas toute sa vie privée sur les réseaux, qu'on fait attention, voilà, et ça, moi je suis assez optimiste là-dessus. Oui, on apprend avec le temps. On apprend avec le temps, on peut pas demander, c'est trop récent, ça va très vite. Mmh. Et puis j'adore bosser avec ceux qui partent en tournage, ou même, personnellement j'adore bosser parce qu'il y a plein d'idées, quoi. Mmh. Franchement, c'est chouette. Et d'ailleurs, mais il y avait je regardais un documentaire sur Karl Lagerfeld. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est quelqu'un qui a toujours su créer avec son temps. Mais s'il a su créer toujours avec son temps, c'est parce qu'il s'entourait de justement à chaque fois de nouvelles générations. Et quand il a repris Chanel, Coco Chanel disait non mais je comprends plus en fait cette jeunesse qui s'habille court, c'est plus comme avant. Voilà. Et à partir du moment où on dit c'est plus comme avant, on commence à regarder en arrière, c'est que pour créer, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir des textes qui datent de la Rome antique en disant oui, la jeunesse fait encore n'importe quoi, on peut plus les. Il y a toujours eu on a toujours peur du nouveau, on est tous conservateurs, en fait, de prime abord. Et donc, Karl Lagerfeld, je trouvais que c'était très intéressant sur la création en disant mais si tu commences à dire que c'était mieux avant, c'est que c'est foutu. Regarde ce qui se passe. Regarde, vois ce qui est bon ou pas bon, nourris-toi de ce qui se passe, parce que de toute façon, ça arrive et tu pourras pas aller contre. Et maintenant, essaye d'en prendre le meilleur, essaye de comprendre. Et je pense que c'est ça, chaque génération. On va voir nos parents, il y a eu mai 68, nous, il y a d'autres révolutions qui sont différentes, plus insinueuses, mais il se passe toujours quelque chose et faut pas avoir peur du changement. D'où la transmission qui est importante, parce que c'est un fil ce lien entre le passé et le futur, quelque chose qu'on peut réinventer, mais il faut toujours créer, il ne faut pas s'en rester à « c'était mieux avant ». Il faut se nourrir justement de ce passé-là, d'être dans cette transmission-là, et d'y apporter aussi, dans le peu de temps qu'on nous accorde, parce que c'est quand même... la vie est quand même délirante, on est sur une planète qui tourne dans l'espace, on a 80 ans, et puis voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Au final, c'est rien, quoi. Et donc, dans ce petit mouvement qu'on a, qu'on nous donne... qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on va transmettre de ce qu'on a eu et de ce qu'on a créé aussi. Et c'est là où ça fait plus à chaque fois. Une des notions que vous dites qui caractérise ma génération, c'est cette quête de sens. Pour vous, le sens de la vie, c'est quoi? Je pense au... C'est une question qu'il faudrait se poser... C'est une question super intéressante, évidemment. Et je me dis quelle réponse je donnerais en fin de vie. Je dis ça parce que, en fait, on est pris dans un tumulte extraordinaire de choses qui arrivent tout le temps. On est submergé. Et souvent, on suit plein de cours et on oublie justement le sens. Et c'est normal parce qu'on est pris par plein d'autres choses. Mais si je devais garder une chose... c'est d'avoir à apporter, et c'est pour ça que la quête de sens est importante, c'est que dans ma vie, si j'ai apporté, on va dire, de l'amour, de la joie, si j'ai apporté quelque chose que j'ai créé aussi qui a fait du bien aux autres, à transmettre ou pas après, mais en tout cas, si autour de moi, ne serait-ce que autour de moi, j'ai apporté à cet univers ou à mes amis cette pièce positive d'écoute, d'amour, de création, ça me comblerait. Mais cette attention aux autres et ce temps donné aux autres, que ça soit, je vois, que ça soit avec, la famille, les amis, les personnes âgées aussi, ce temps-là qui est cher parce qu'on fait 1 milliard de choses, qu'on arrive à le donner positivement, qu'on arrive à être à l'écoute de l'autre, qu'on est avec l'autre profondément, avec amour, ça c'est ce qui je pense a de plus important. On va terminer par la question signature du podcast, qui est: quel conseil vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui ? Foncez. N'ayez pas peur. Allez-y. Vous verrez à quel point, quand on prend des décisions qui peuvent faire peur, beaucoup de choses s'ouvrent. En fait, c'est fou comme quand on se projette dans l'avenir, j'en parle avec plein d'amis autour de moi, souvent, ils disent « mais si je pars de mon travail, bah en fait, ça va être compliqué parce que je vais moins gagner ma vie, parce qu'en fait, on ne passe son temps qu'à mettre des freins sur l'avenir. » Souvent à des choses qui sont presque assez négatives. Mais en fait, peut-être que si tu t'arrêtes, tu vas peut-être même mieux gagner ta vie, t'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans ta projection, tu penses que ça va être moins bien ? Souvent, quand on s'arrête, on pense que ça va être moins bien. Mais si on a confiance en l'avenir, c'est fou comme la vie, ou qu'on a confiance en la vie, c'est fou comme la vie vous le rend. Moi, j'ai travaillé pour Disney à un moment donné, oui. J'étais réalisateur, okay. J'étais créatif pour Disney. J'ai mis ma démission du jour au lendemain, sans rien avoir, en me disant « tiens, ce que je veux faire, c'est voyager ». J'ai créé une émission qui s'appelait « Drôle de trip » où on est parti avec Antoine voyager. Ok, il y avait une prise de risque. Quand j'ai posé ma démission, je savais pas ce que j'allais devenir. J'avais juste cette idée en tête en me disant « je veux la faire ». Et en fait, en parlant à plein de personnes autour de moi, d'un coup, qui en a parlé à une autre personne, puis en fait, ça s'est fait. Parce que j'ai eu confiance en la vie. Donc, il faut porter un regard positif sur le monde, sur l'avenir. Faut vraiment, il faut être dans l'action. Et n'ayez pas peur d'en parler à plein de gens autour de vous. Il y a plein de gens qui écouteront pas, et puis à un moment donné, ça va résonner chez quelqu'un et ça va faire son effet. Donc, n'ayez pas peur. Il faut de l'action. Et dites-vous aussi qu'on est en train de jouer une comédie. Là aussi, je le répète, de quelques années sur une planète qui bouge dans l'espace, les systèmes solaires. Et donc, prenez-en le meilleur parce que c'est irréel et on a beaucoup de chance. Et c'est des miracles tous les jours, on va dire. Même si c'est un peu dur de temps en temps de le réaliser, mais la vie est un miracle, il suffit de lever les yeux et de se rendre compte que tout ça, ça, faut prendre le meilleur parce que de toute façon, ça va passer vite. Merveilleux. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi, et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet Nouvel Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.